Chapitre 2e. Josette, restée seule, songeait « Encore un ami que je viens de me faire. » Puis, comme au fond elle se souciait peu de ce détail, elle pensa à autre chose et écoutant tristement la pendule qui sonnait « 7 heures. Allons, c'est fini. Il ne viendra plus aujourd'hui. » « Ça m'a fait plaisir de revoir l'affaire. Il me rappelle ma pauvre vieille Bretagne. » Ah, il m'aimait bien, lui. Et je l'ai compris trop tard. Bast. À quoi cela eût-il servi? Et regardant la dernière bûche qui se consume, la comtesse revoit rapidement le passé déjà si loin. Dans ce grand château de Skaer, sa petite enfance abandonnée, toujours livrée aux paysans, aux domestiques, ou pour mieux dire à elle-même, disparaissant le matin, rentrant à la nuit, sans que jamais personne s'inquiétât de savoir ce qu'elle devenait. Heureuse néanmoins, libre, courant au bord de la mer, les pieds nus sur la grève, passant de longues heures assis sur une roche, tendrement appuyée contre son chien Fenris, un gigantesque griffon noir qui avait l'air d'une bête féroce. Restant là, le regard perdu, interrogeant l'horizon infini, que c'est beau l'océan. Elle a conservé un culte pour ce premier et unique confident de ses pensées d'enfant. De sa mère, elle n'a qu'un incertain souvenir. C'était, croit-elle, une jeune femme blonde, jolie comme une apparition, toujours parée, toujours en fête, entourée de monde, et qui ne l'embrassait jamais. Dans sa vie, maman n'a pas existé. Elle était pour elle, comme pour les gens du château, madame la marquise, tandis que monsieur le marquis était aussi papa. Elle se souvient affectueusement de ce beau grand garçon, bâti en athlète, qui parlait haut, riait toujours et l'embrassait quelquefois quand il la trouvait sur son passage, l'enlevant à bout de bras à des hauteurs qui lui donnaient le vertige et lui disant « Toi, petit moucheron, tu seras superbe, tu me ressembles. » Et il la lançait à toute volée à son frère Jean, qui la rattrapait tant bien que mal, et la voyant pâle de terreur, disait « Je ne sais pas si elle sera superbe, mais pour le moment je la trouve bien palote. » Cette façon de jongler avec son petit corps, la seule caresse qu'elle connut, lui causait au début un invincible effroi. Mais elle s'y habitua peu à peu et finit par se placer souvent sur le chemin de son père à l'heure où il rentrait de la chasse. C'est en l'attendant ainsi qu'elle le vit un jour apporter au château, livide, les membres brisés, couverts de sang et de boue. Il était porté par des piqueux. Derrière lui marchait Forward, son beau cheval gris qui sautait si bien, boiteux et souillé de boue comme son maître. Puis les chiens suivaient, silencieux, le museau bas, balayant l'avenue de leurs oreilles traînantes, comme s'ils avaient conscience de ce qui se passait. Diego, le vieux piqueux, apercevant la petite fille blottie contre un arbre, avait dit « Mon Dieu, emmenez vite, mademoiselle Josette !» Mais le marquis de Skaer entendit « Josette, où ça? Je veux la voir !» Et s'adressant à son frère, qui marchait à côté du brancard, « Jean, fais-moi poser là. Aussi bien, je n'arriverai pas vivant au château. » Josette se souvenait nettement de la sensation d'effarement qu'elle avait éprouvée quand l'oncle Jean, la prenant par la main, l'avait amenée près de son père. Le marquis, cherchant à se soulever, avait dit, il se rappelait exactement ses paroles, « Jean, je te la confie. À aucun prix tu ne la laisseras à sa mère, à aucun prix, tu m'entends. Fais tous les sacrifices nécessaires pour obtenir qu'elle renonce à ses droits. Ce sera cher, mais on paiera. Ne se coupe pas la tête. » Toi aussi, tu me crois ruiné, mais non. Delalon débrouillera tout. Il fera exécuter ma volonté. Je l'en ai chargé. Josette, approche, tout près. Mon pauvre petit moucheron. Jamais je ne t'ai tant aimé qu'aujourd'hui. Et c'est un peu tard. Allons, vous autres, ne vous attristez pas, ça ne sert à rien. Voilà, à présent, votre petite maîtresse. Aimez-la bien. Soignez Forward, il se remettra à lui. C'est un brave cheval, et rudement chic sous l'habit rouge. Soignez aussi mes chiens, comme si j'étais là, Josette, je te les recommande. » Le curé du bourg arrivait, courant de toute la vitesse de ses vieilles jambes, raidi encore par l'émotion. Le marquis lui sourit. « Allons, mon cher curé, je n'ai pas de grand crime sur la conscience, mais c'est égal, dépêchons. Je sens la faim. Je ne souffre pas du tout, mais je me refroidis déjà. » Tous s'étaient écartés. L'oncle Jean, pesant de la main sur l'épaule de Josette, l'avait fait s'agenouiller. Au bout d'un instant, le curé, penché sur le mourant, s'était brusquement relevé, faisant signe qu'il avait cessé de souffrir. Et tous alors sanglotèrent librement, tandis que la petite fille, les yeux agrandis mais sans larmes, regardait avec épouvante le visage pâle de son père et l'attitude consternée des assistants. C'est que Josette ne savait pas pleurer. Les enfants abandonnés pleurent rarement. À quoi cela leur servirait-il? Les larmes sont destinées à tendrir les parents ou les maîtres, à éviter une punition ou à obtenir un joujou. Elle ignorait tout cela. Absolument seule et indépendante, elle ne relevait que d'elle-même. Lorsqu'elle se faisait mal, roulant dans les roches, se déchirant les jambes aux ajoncs, ou se laissant bousculer par les poulains libres comme elle dans la lande, elle rageait, menaçait, mais ne pleurait jamais, et en ce moment, la vue des larmes l'étonnait presque plus que celle de la mort. Son papa, étendu, semblant dormir paisiblement, devait, à son avis, être beaucoup plus heureux que l'oncle Jean et les autres. Le lendemain, Jean de Scaer entrait dès le matin dans la chambre de sa nièce. Un monsieur à cheveux gris l'accompagnait. Josette le connaissait bien. Souvent, elle l'avait vu venir à Scaer dans un vieux cabriolet qu'il conduisait lui-même. C'était M. Delalonde, l'avoué. Le père de Delalonde, comme disait le marquis en parlant de son vieil ami. Le seul être au monde dont il écouta quelquefois les conseils. « Josette, dit l'oncle Jean. Monsieur Delalonde a la bonté de se charger de toi pendant quelques jours. » Elle écoutait, sans comprendre. Il reprit. « Il veut bien t'emmener chez lui, à Vannes. » Alors, Josette, inquiète. « À Vannes? Est-ce qu'il y a la mer comme ici ?» Monsieur Delalonde s'avança. « Oui, petite, sois tranquille, tu verras la mer. » « Et Fenris? Je ne pars pas sans Fenris. » « Nous l'emmènerons. » Et puis tu auras un grand camarade. Il te racontera de belles histoires. Il te fera de beaux dessins. » Et se tournant vers Jean. « André est là. Il s'occupera d'elle. » Pauvre petite. Comme elle ressemble à son père. » Le vieil avoué, très ému, se pencha vers la petite fille et l'embrassant tendrement. « Tu veux bien venir avec moi ?»« Oui, ça m'est égal. » Le break attendait devant le perron. En y montant, suivant de Fenris, Josette, étonnée, demanda « Tiens, nous n'allons pas dans notre vieux cabriolet ?»« Au revoir, » dit tristement l'oncle Jean, les regardant partir. « Adieu, » répondit l'enfant qui tenait la grosse tête de son chien serrée contre elle et semblait indifférente à tout. Il y a de Scaer à Vannes 3 lieues. Elles furent silencieusement parcourues. M. Delalonde lisait attentivement des lettres et des papiers contenus dans un grand portefeuille que lui avait remis Jean au moment du départ. Josette réfléchissait. En apparence impassible, elle était au fond surprise, un peu inquiète même. Depuis la veille, elle ne comprenait plus rien à ce qu'elle voyait et entendait. « Monsieur Delalonde a la bonté de s'occuper de toi, » avait dit l'oncle Jean. « S'occuper d'elle. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Est-ce que ce serait amusant ? Et ce camarade inconnu, était-il plus ou moins gentil que Fenris ? Ce devait être bien beau, de belles histoires. » Elle voulut questionner son compagnon, mais l'amour-propre la retint. « J'aurai l'air d'une sotte. Le monsieur se moquera de moi. » Et elle se tut. Le mouvement de la voiture la berçant, elle s'endormit peu à peu. Elle s'éveilla, couchée entre les grandes pattes velues de Fenris, sur un petit lit tendu de draps rouges dans une chambre inconnue. Debout, près du lit, un grand jeune homme mince, à l'air sérieux, la regardait affectueusement. « Avez-vous bien dormi, mademoiselle Josette ? » dit-il. La petite tête de l'enfant travaillait. Elle faisait de grands efforts pour reconstituer tout ce qui s'était passé. Suivant avec persistance sa pensée, elle demanda, au lieu de répondre à la question posée, « C'est vous qui êtes André ?»« Oui, » dit le jeune homme en souriant. « Alors c'est vous qui devez me raconter de belles histoires ?»« Eh bien, commencez. »« Ah, je dois vous raconter de belles histoires ?»« Oui, le vieux monsieur l'a dit. » »« Parfaitement, c'est papa. » »« Venez, nous allons d'abord le retrouver. Il fait préparer votre chambre. » Elle secoua la tête, agitant sa crinière noire et soyeuse. « Non, je suis bien là. Racontez d'abord. Le vieux monsieur me l'a promis. »« Oh, oh, mademoiselle Josette !»« Il paraît que quand on vous a promis quelque chose, il faut tenir. » »« Oui, » dit l'enfant, et attachant sur lui son regard profond. « Mais moi aussi je tiens ce que je promets. » Surpris de l'étrange beauté et de l'originalité de la petite fille, André céda. Il s'assit au bord du lit et, prenant la main de Josette, « Puisque vous le voulez, je vais vous raconter une histoire. »« Voyons, connaissez-vous la Belle au bois dormant ?»« Je ne connais rien. Qu'est-ce que c'est que la Belle au bois dormant ?»« C'est une princesse qui dormait. »« Comme moi ?»« Comme vous, mais plus longtemps. »« Elle dormait depuis 100 ans, quand le prince charmant l'éveilla. »« Qu'est-ce que c'est que le prince charmant ?»« Un prince très beau. »« Beau comme vous ?» André éclata de rire. « Beaucoup plus beau que moi. »« Ah ?» dit Josette, incrédule. Et elle ajouta avec conviction, « Vous êtes pourtant joliment beau, vous. Bien mieux que l'oncle Jean, vous êtes. Vous ne le connaissez pas, l'oncle Jean ?»« Mais si, nous sommes de vieux amis. »« Vieux ? Oh non, il a 20 ans, l'oncle Jean. Allons, racontez à présent. » Et André, forcé de s'exécuter, narra dans les plus grands détails la touchante histoire de la Belle au bois dormant. La petite fille l'écoutait, les yeux brillants, les joues roses, quand il eut fini. « Est-ce que ça arrive toujours, comme dans l'histoire ?»« Toujours. »« Alors, vous m'épouserez aussi ?»« Certainement, » dit gaiement André. Josette le regardait avec une respectueuse admiration. Ce joli garçon, élégant et fin, avec ses grands yeux violets, sa lèvre moqueuse et sa moustache blonde, la fascinait. Elle se sentait attirée vers lui et cependant craintive. Elle mourait d'envie de lui sauter au cou, mais elle n'osait pas. Il demanda « Voulez-vous venir voir votre chambre, mademoiselle Josette ?»« Avec vous ?»« Mais oui. »« Alors je veux bien. » Maître de Lalonde habitait un vieil hôtel gris dans la plus vieille et la plus noire rue de Vannes. Mais l'autre façade de l'hôtel donnait sur un grand jardin riant et coquet. La fenêtre de la chambre de Josette ouvrait sur ce jardin. André, voyant que l'enfant, le nez collé au carreau, admirait les fleurs, l'emmena aussitôt cueillir un énorme bouquet. Elle le remercia avec étonnement, stupéfaite, reconnaissante, décontenancée par ses procédés nouveaux pour elle. Le soir, après le dîner, André lui joua du piano, lui dessina des polichinelles ventrues, et elle se roulait de joie, saisissant violemment son chien par le cou et le prenant à témoin de son bonheur. À 9 heures, la vieille bonne de l'avoué vint la chercher pour la coucher, la déshabilla et l'aborda avec soin dans son lit, au lieu de l'y jeter comme un paquet, ainsi que le faisait la femme de chambre de sa mère. Elle resta 8 jours à Vannes. Ce furent les plus heureux jours de sa vie. Elle s'était attachée de toute la force de son petit cœur à ce bonhomme souriant et bon, si affectueux pour elle. Quant à André, elle lui avait voué un culte, mêlé de tendresse discrète et d'admiration passionnée. Un soir, la vieille Vincente, tardant à revenir la prendre après le dîner, elle s'endormit sur le tapis, la tête appuyée sur le dos de Fenris. Un brusque mouvement du chien l'éveilla. Monsieur de Lalonde et André causaient. Ils parlaient d'elle, elle écouta. « C'est demain que je la reconduis à Scaer, » disait l'avoué. La tante de Jouan est arrivée. Nous avons de la chance qu'elle consente à habiter chez sa petite nièce, car vraiment Jean est bien jeune pour rêver son existence à celle de Josette. « Moi, papa, répondait André, à ta place je garderai Josette. Elle est attrayante, cette enfant. Et tu es son tuteur, après tout. Mais c'est impossible. Toi, parti, vois-tu cette pauvre petite, seule entre Vincent et toi dans cette vieille maison? Elle mourrait de tristesse et d'ennui. Les enfants ont besoin de gaieté comme les fleurs et besoin de soleil. » Tu deviens poétique, papa. Est-ce la baronne de Jouan qui personnifie à tes yeux le soleil ou même la gaieté? Non, mais Jean sera souvent à Sker. Il y amènera du monde, du mouvement. D'ailleurs, Guy exprime dans son testament le désir que, si cela se peut, sa fille soit élevée dans ce château qu'il aimait tant et qui est à elle après lui. C'est différent. Et la marquise? Partie le lendemain de l'enterrement. C'est moi qui lui ai fait connaître la volonté de son mari. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle n'a pas osé protester. Et elle n'a même pas demandé à embrasser sa fille. Oh! Dame, Josette ne représente pour elle aucune valeur. Elle croit qu'il ne reste rien à l'enfant de la fortune du père, et je me suis bien gardé de la détromper. Comment? Dit André. Il reste donc quelque chose? Sans doute. Il est certain que beaucoup de terres sont hypothéquées, et que cette colossale fortune est amoindrie, mais enfin, Josette sera encore dans une très belle situation. Ah, tant mieux, elle m'intéresse. Elle ressemble si peu aux autres enfants. Dis donc, papa, tu feras bien de lui donner vite des maîtres à ta pupille, car elle ne connaît pas ses lettres, tu sais, et à 8 ans, c'est un peu court. J'y ai déjà pensé. Je compte même sur toi pour me trouver à Paris une institutrice très capable. Tu es sérieux et j'ai confiance en toi. Comme ça tombe, j'ai justement ton affaire. Comment? Tu as une dame qui... Ce n'est pas une dame, c'est un monsieur, un ancien professeur à moi. Tu es fou? Pas du tout. Il a 50 ans. C'est un homme excellent, intelligent et instruit. Jean le connaît, parbleu, hein? C'était notre professeur de rhétorique. Il a été obligé de quitter l'enseignement l'an dernier à la suite d'une bronchite qui lui a fatigué la voix et le gêne pour faire une classe nombreuse. Je t'assure que c'est absolument ce qu'il te faut. Voyons, quel inconvénient trouves-tu à son sexe? Tu crains que l'incandescente mère de Jouan lui fasse les yeux doux? Sois tranquille, va, papa, il sera de marbre. Je réponds dans ce cas de lui comme de moi-même. Que tu es bête, dit en riant le vieil avoué, prêt à céder. Lui aussi subissait l'ascendant d'André. Il l'adorait et l'admirait. Parfois, en regardant ce grand gaillard, aristocratique et élégant, il se sentait fier et stupéfait d'en être le père. La vive intelligence d'André ne l'étonnait pas. Maître de Lalonde se rendait justice et, sans fausse modestie, comprenait que son fils fût un homme distingué. Mais ce qui le surprenait, c'était cet air grand seigneur, ses allures de jeune dieu descendu de son nuage. Tout cela sans l'ombre de pose. André était simple, gentil et bon enfant. Le vieil avoué trouvait que son fils n'avait pas du tout le type voulu pour lui succéder, et André, ayant la fortune de sa mère, il l'avait poussé vers la carrière diplomatique. Depuis 6 mois, il était au ministère et terminait en même temps son droit. « Tu ne veux pas essayer pour Josette le bonhomme que je t'offre ? » demanda-t-il. « Tu as tort. »« Nous verrons, » répondit M. de Lalonde. « Il faut d'abord que je consulte Jean. » Josette entendait tout. Elle mordit de rage un coin de l'oreille de Fenris qui poussa un gémissement plaintif. Elle avait envie de se lever et de crier bien haut qu'elle ne voulait pas du maître, qu'elle le chasserait, puisque Sker, elle était à présent chez elle. Un sentiment délicat arrêta son élan. La petite sauvage comprenait d'instinct que son tuteur aurait du chagrin qu'elle sût ce qu'il avait dit de sa mère. C'était bien vague, mais elle avait saisi, dans l'intonation du vieil avoué, une note de profond mépris. Elle ne savait pas ce qu'on reprochait à cette mère qui se souciait si peu d'elle et dont elle se souciait si peu. Seulement, en rapprochant ce qu'elle venait d'entendre des paroles prononcées par son père mourant, elle devinait que la marquise serait exclue de sa vie, et elle sentait qu'elle devait paraître ignorer cette exclusion. Quelques jours plus tard, elle était installée à Scaer, entre la baronne de Jouan, une tante de son père, et M. Jost, le précepteur indiqué par André. L'oncle Jean venait très souvent voir sa nièce et passait chez elle 3 ou 4 mois à l'époque des chasses. Elle grandissait. Ce n'était plus la petite Josette, mais une belle fillette qui promettait d'être très jolie. Merveilleusement douée, elle avait, grâce à M. Jost, rattrapé bien vite le temps perdu. Puis elle montait à cheval, nageait, ramait, patinait, excellant à tous les exercices. Quelques leçons prises à Bann avaient suffi à développer son organisation musicale qui était remarquable. Elle peignait hardiment, avec une vigueur pas du tout féminine. L'oncle Jean prétendait en riant que les tableaux de sa nièce lui rappelaient ceux d'Eugène de la Croix. Les seules joies de Josette étaient les visites de son tuteur. Monsieur de Lalonde venait régulièrement déjeuner à Scaer tous les dimanches et fêtes et y passait une partie de la journée. Josette savait le calendrier par cœur, marquant d'une croix les jours où André accompagnait son père. C'était alors du délire, son visage s'illuminait, elle ne connaissait personne. Monsieur Jost et l'oncle Jean n'existaient plus, et le vieil avoué lui-même était presque délaissé. 8 ans s'écoulèrent ainsi. Josette, devenue jeune fille, restait d'une étonnante sauvagerie. Elle n'avait pas d'amis, et repoussait obstinément les nombreuses tentatives de Madame de Jouan, dont l'idée fixe eût été de recevoir. Elle ne faisait d'exception que pour la marquise de Laferre, qu'elle aimait beaucoup. Son fils Pierre était le plus intime ami de l'oncle Jean, et le seul camarade de Josette qui, très souvent, allait déjeuner ou dîner à Kerouët chez les Laferre. Sauf cela, elle ne voyait personne, ne paraissait pas au salon lorsque sa tante recevait, et n'accompagnait jamais la vieille dame qui faisait des visites au département tout entier. La petite fille et la grand-tante avaient les allures et les goûts les plus opposés. Le caractère onctueux, à force de politesse et un tantinet sournois de la baronne de Jouan, horripilait Josette. Et sans le tact et le doigté de l'excellent M. Jost, qui avait sur son élève une certaine influence, de fréquents orages eussent éclaté. D'ailleurs, Josette voyait sa tante au repas et lui parlait à peine, causant avec son précepteur de choses interdites à la bonne dame, ignorante comme une carpe. La marquise de Scaer était morte depuis 2 ans. Josette en avait été informée par une courte lettre de maître de Lalonde. On ne lui avait parlé de sa mère qu'une seule fois, et c'était pour lui apprendre sa mort. Elle comprenait aujourd'hui bien des choses, autrefois inexpliquées pour elle. Un jour où la tante de Jouan était parvenue à lui imposer, par surprise, la visite de 2 jeunes filles du voisinage, elle revint furieuse près de son précepteur. « Eh bien ?» dit le bon M. Jost, sans remarquer la physionomie énervée de son élève. « Comment avez-vous trouvé ces demoiselles ?»« Laide, sotte et méchante, » répondit brièvement Josette. « Mon enfant, » reprit doucement le brave homme. « Il ne faut jamais qu'une femme dise du mal des autres femmes. Retenez bien cela. »« Que voulez-vous, mon cher monsieur Jost? Je déteste les femmes, moi. »« Vous ne pouvez les détester. Vous ne les connaissez pas. »« J'en ai connu 2, » s'écria avec emportement Josette. « Ma mère, qui ne s'occupait pas de moi, et ma tante, qui s'en occupe trop. »« Pourquoi me poursuit-elle ainsi? Dites. Quel intérêt a-t-elle donc à me tourmenter comme elle le fait ?» Mais je crois que l'affection qu'elle vous porte, l'affection. Allons donc. Vous savez aussi bien que moi que Madame de Jouan n'a d'affection que pour elle-même. Et comme M. Jost restait interdit. Au revoir, je vais dîner à Kerouët. Il me semble que ce soir la tête de ma tante me produirait un effet plus désagréable encore qu'à l'ordinaire. Si vous allez à cheval, emmenez Diego au moins. Je vais à pied, Pierre me ramènera. Sa gaminerie de 16 ans reprenant le dessus, elle fit une grimace au bonhomme ahuri et lui cria en se sauvant « Amusez-vous bien avec ma tante, monsieur Jost !» Ce soir-là, elle avait raconté à Madame de l'affaire tous ses petits ennuis. Pour elle, la marquise n'était pas une femme, mais un ami. Elle se sentait confiante et à l'aise entre elle et son fils. Pierre de l'affaire avait 28 ans, l'âge de l'oncle Jean, l'âge d'André. Mais, tandis que Josette devenait timide et réservée avec André, ressentant près de lui un trouble singulier, elle restait expansive et familière avec Pierre. Elle jouait avec lui comme avec un gros chien, le taquinant sans cesse, se moquant de son grand physique imposant, sans se douter que le pauvre garçon l'aimait à en perdre l'esprit. Elle ne comprenait pas qu'elle pût produire sur Pierre un effet différent de celui qu'il produisait sur elle. Elle revint à 10 heures avec lui à travers la lande et les grands bois de sapin. Presque aussi grande que lui, elle s'appuyait sur son épaule en marchant, approchant son visage du sien lorsqu'elle se penchait pour le regarder en causant. « Qu'est-ce que vous avez ? » demanda-t-elle tout à coup. « Vous êtes tout pâle. »« Je n'ai rien, » dit Pierre brusquement. « C'est l'effet du clair de lune. » Josette lui prit la main. « Vous avez la main froide et moite. Vous souffrez ?»« Non, ce n'est rien. Lâchez-moi. » La jeune fille se recula. Jamais Pierre ne lui avait parlé ainsi. Ils marchèrent quelques instants en silence. Les grands sapins prenaient au clair de lune des formes fantastiques et la silhouette de Sker se dressait superbe devant eux, se détachant sur l'immense horizon de la mer. Perché sur son rocher, le vieux château ressemblait à un gigantesque oiseau de nuit. Le paysage rappelait les plus étranges compositions de Gustave Doré. C'était splendidement beau. « Vous n'avez pas peur ?» demanda Pierre. « Peur ?» dit Josette étonnée. La voix du jeune homme tremblait. « Oui, seul, ainsi, avec moi, la nuit. » Elle se mit à rire. « Et de quoi pourrais-je avoir peur avec vous ?»« Vous avez raison. » dit-il sourdement. « Je suis fou. »« Qu'est-ce qu'il a donc ?» se demanda Josette. Puis elle n'y pensa plus. En descendant un matin pour déjeuner, elle trouva installé près de sa tante un monsieur qu'elle ne connaissait pas. « Josette, » dit la baronne, « je te présente le vicomte de Luxeuil, le fils d'une vieille amie à moi qui est ici près chez les Kervalan. Il est venu m'apporter des nouvelles de sa mère et je l'ai retenu à déjeuner. J'ai bien fait, n'est-ce pas ?» Mademoiselle d'Oscar toisa le jeune homme qui s'inclinait profondément devant elle. L'impression fut mauvaise. Elle trouva que ce très joli garçon, trop blond et trop élégant, marquait mal, selon l'expression favorite de l'oncle Jean, et rendant légèrement le salut, elle répondit, en s'adressant avec affectation à Madame de Jouan, « Vous êtes ici chez vous, ma tante. » Monsieur de Luxeuil causa beaucoup. Il avait presque de l'esprit. Josette ne lui adressa pas la parole et babilla gaiement avec Monsieur Jost, sans paraître se douter de la présence d'un convive. En sortant de table, elle se dirigea vers l'escalier. Madame de Jouan, qui donnait le bras au vicomte, se retourna inquiète. « Tu nous abandonnes ?»« Oui, ma tante, il faut que je sorte. Je vais à Vannes. »« Tiens, tu ne m'avais pas parlé hier de ce projet ?»« C'est qu'il n'existe que depuis quelques instants, » répondit-elle. « Dis au moins, monsieur de Luxeuil, que tu lui permets de revenir nous voir pendant son séjour à Kerbalan. » « Vos amis, ma tante, » dit sèchement la jeune fille, « n'ont pas besoin de ma permission pour venir vous voir. » Effectivement, le vicomte n'avait pas besoin de permission car il revint souvent. À chaque visite, l'accueil de Josette devenait plus glacial. Monsieur de Luxeuil arriva un soir vers 6 heures. La baronne faisait, comme toujours, du crochet près de la fenêtre du salon. Josette essayait le piano qu'on avait accordé, et M. Jost lisait ses journaux. « Ah, mon cher enfant !» s'écria joyeusement Madame de Jouan. « Comme c'est aimable à vous de venir égayer notre solitude. Vous dînez avec nous ?» Et comme le vicomte semblait, pour accepter, attendre un mot de Josette, Mademoiselle de Scaer lui dit « Faites donc ce plaisir à ma tante, monsieur. » Monsieur de Luxeuil lui lança un regard savant, à la fois timide et passionné. Depuis quelque temps, il abusait vraiment de ce genre de regard. Mais Josette ne le vit pas. Elle s'est élevée et traversait le salon. Elle sonna et, s'adressant au valet de pied qui entrait, « Dites à Toby d'atteler la Victoria. » Puis, revenant près de son précepteur, « Mon cher monsieur Jost, je vous enlève. Nous allons dîner à Vannes, chez mon tuteur. »« Mademoiselle ?» balbutia le vicomte. « Est-ce ma présence qui... » « Si j'étais à votre place, monsieur, dit durement Josette, je comprendrais, sans explication, mais puisqu'il vous en faut une, la voici. Vous n'êtes pas chez les Kerbalan. Ils ne vous ont jamais vu. Votre mère est morte depuis 20 ans. Donc, il vous était difficile d'apporter de ces nouvelles à madame de Juan, à laquelle vous avez été tout bonnement adressée par l'agence dont elle fait partie. Vous deviez, si vous étiez parvenu à m'épouser, lui payer 10% sur ma dot. En attendant, vous êtes descendu à Vannes, à l'hôtel de Bretagne, où vous vivez largement, escomptant votre mariage problématique. Est-ce bien cela ? Mademoiselle, croyez que... Il suffit ! Et se retournant vers sa tante, vous, madame, vous voudrez bien quitter Skyr ce soir. Je vous servirai une pension qui vous permettra d'exercer ailleurs votre honteux métier. C'est pour fixer le chiffre de cette pension que je vais chez Maître de Lalonde. Il vous fera connaître ce qu'il aura décidé. Monsieur Jost, saisi, effaré, regardait son élève bouche béante. Il se demandait où cet enfant, une gamine encore il y a 6 mois, avait appris la vie au point de savoir ainsi se faire justice elle-même. Josette, menant seule sa petite enquête, sans en rien dire à personne, et chassant ensuite les deux aventuriers, lui paraissait sublime. Monsieur de Lalonde fut mécontent de l'exécution. « Ma chère petite, dit-il à sa pupille, ta tante est une vieille coquine, j'en conviens. Néanmoins, sa présence chez toi donnait aux yeux des imbéciles une apparence de respectabilité à ta maison. « Oh !» s'écria Josette, suffoquée. « Oui, et à présent que tu vas être seule, Jean étant plutôt un inconvénient qu'un avantage, tu seras très difficile à marier. « Bast !» dit-elle en riant. « Je trouverai bien un brave garçon qui m'épousera pour mes beaux yeux. « Pour tes beaux yeux et pour autre chose, tu es très riche. » « C'est vrai, puisque le monsieur de ma tante venait pour ça. Quelle est donc ma fortune ?»« Tu as 120 000 livres de rente en terre. »« Est-ce beaucoup ?»« C'est énorme, et tu devrais en avoir le double, » murmura le vieil avoué, inconsolable de l'amoindrissement de la maison de Skyr. Josette jeta ses bras autour du cou de son tuteur et lui dit à l'oreille, « Alors, faites-moi épouser André, voulez-vous » « André ? » s'écria Maître de Lalonde. « André ? » ?»« Oui, » répondit Josette. L'avoué voulut trancher dans le vif. « Ah bien oui, André, il est en route pour Téhéran. Il ne se soucie pas mal de toi ou d'une autre. Il n'aime que sa carrière, il ne pense qu'à elle. D'ailleurs, il n'est pas de ton monde et... ça m'est bien égal. Pas à moi. Il faut toujours se marier dans le milieu où on est. C'est la première condition du bonheur. » Josette sentit en elle un déchirement douloureux, mais se raidissant, elle reprit « Eh bien, n'en parlons plus. Puisque vous ne voulez pas de moi pour fille, vous me marierez comme vous l'entendrez. » Le vieil avoué avait raison de prédire à la jeune fille que seule à Skyr elle se marierait difficilement. Les parties qui se présentaient n'étaient pas acceptables. Enfin, au bout de 2 ans, M. Moret, fils d'un ancien marchand de bois devenu le plus riche armateur de Nantes, s'affolait de Mademoiselle de Skyr, entrevue aux courses, et tombait comme une bombe dans l'étude de Maître de Lalonde pour lui demander la main de sa pupille. « Réfléchis bien, » dit l'avoué en annonçant la demande à Josette. « Je ne suis pas, tu le sais, partisan de ces mariages-là. Je ne puis oublier que j'ai vu le grand-père et le père Moret vendant leur bois sur le port, tandis que tu as derrière toi 500 ou 600 ans de noblesse. » Le fils du père Moret est charmant, il est vrai. Il ressemble à sa mère, qui était, il y a 25 ans, une adorable femme. De plus, il a 300 000 livres de rente, honorablement gagnées et solides, puisqu'il a tout retiré des affaires. Ça demande réflexion. « C'est tout réfléchi, » répondit Josette. « Monsieur Moret, que j'ai vu 2 fois, me plaît assez. Je crois qu'il m'aime. C'est un mariage inespéré pour moi. Je ne veux pas vous encombrer tous plus longtemps de la garde de ma personne. Ce pauvre Jean a telle attache. Ça me fait une peine. » Et souriant tristement, « J'avais rêvé autre chose, vous le savez, mais puisque ce rêve est irréalisable, Je ne puis trouver mieux pour le remplacer. Comment ? S'écria Maître de Lalonde stupéfait. C'est d'André que tu veux parler ? C'était donc sérieux, cette plaisanterie, tu y pensais ? Elle murmura. J'y pense toujours. L'avoué n'entendit pas, ou du moins ne parut pas entendre. Le mariage se fit. C'est Madame de la Fère qui servit de mère à Josette. Pierre était absent. Pendant les premiers temps, Paul Moret adora follement sa femme. Il en était fier, c'était son plus grand luxe. Josette eut une fille qu'elle perdit à quelques mois. Elle ne souhaita pas avoir d'autres enfants. Déjà, elle entrevoyait surtout le vilain côté de la vie et le redoutait pour un être aimé. Son mari, très lancé dans la vie élégante, s'était peu à peu éloigné d'elle et elle n'avait rien fait pour le retenir ou le ramener. Puis André était revenu de Téhéran et avec lui tout un cortège de souvenirs. Josette le revoyait tel qu'il lui était apparu pour la première fois à son réveil dans la vieille maison de son tuteur. Elle l'aimait comme elle l'avait aimé autrefois, mais si chaste était son amour qu'elle lui avouait hautement. Sans penser à l'avenir, elle se laissait aller, inconsciente, presque heureuse. Et la comtesse, l'œil fixé sur le foyer, à présent sans flamme, revit en une heure toute son existence passée.